Ce matin tu m'as dit que tout était fini. Tu as pris tes affaires, tu as bu un dernier verre et tu t'en es en allé en prenant les escaliers. Ton nouveau mec t'attendait dans sa BMW. Oh ma baby, pourquoi es-tu partie? Oh ma baby, pourquoi t'es-tu enfuie? Pourtant c'était dit, nous deux c'est pour la vie. On se l'était même juré, assis devant la télé. Et tous ces moments passés, tout ce qu'on a partagé, maintenant tout est parti, tout est fini. Oh ma baby, pourquoi es-tu partie? Oh ma baby, pourquoi t'es-tu enfuie? Pourquoi? Quand ce qu'on t'aura largué pour une poupe bien mieux roulée et que tu essaieras de revenir vers moi, le jour où tu reviendras, ma copine t'ouvrira, je te dirai c'est gentil, mais je préfère qu'on reste amis. Oh ma baby, pourquoi es-tu partie? Oh ma baby, pourquoi t'es-tu enfuie?